Et on a décidé de vous gâter avec un concert des Too Many DJs, un projet mené par deux frères belges, Steven et David Devel. Ce concert a été enregistré le 10 juillet dernier. Je veux vous voir remuer dans vos fauteuils. C'est parti pour 60 minutes de bonne électro-pop funk-punk idéal pour vous mettre en jambe avant minuit. Live Act, le live de couleur 3, 22h, 23h. Hey girl, B-boy, to DJs. Thank you. Packers. Yeah. Vous écoutez Live Act sur Couleur 3. Profitez de ces derniers instants de l'année 2009 avec nous et surtout avec Too Many DJs enregistrés live quelque part l'été dernier. Vous êtes des animaux. Vous êtes des... Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Feeling. couleur 3. We'll be right back.

5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé pour Too Many DJs et c'est terminé pour Live Act. D'ici une heure, vous changerez d'année et nous aussi, on se retrouve donc en 2010 à la même heure avec deux concerts pour le prix d'un, à savoir Lady Hawk et Nick Cave. En attendant, Otavio et Pierrick vous souhaitent une bonne nuit et une bonne année. Verdon, 23h. Pretoria, minuit. Lisbonne, 22h.